إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 2 dans l'explication des règles du takfir qui ont rapport avec le takfir, les principes. Donc on a commencé le cours la semaine passée, on a expliqué les deux premiers principes. Le premier principe, on en a parlé, c'est que le droit du takfir, c'est quelque chose qui appartient à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et que personne ne peut dépasser Allah et son messager dans ce genre de verdict, parce que c'est un hukm shar'i. Le deuxième point, c'est la distinction entre le kufr akbar et le kufr asghar. Et on a mentionné plein d'exemples de hadiths qui mentionnent que certains péchés ont été appelés kufr, ou d'autres shirk, ou d'autres nifaq, ou d'autres jahiliyyah, sans que ce soit nécessairement des formes de kufr ou de shirk ou de nifaq qui fassent sortir de l'islam. Puis on a donné des explications de ça. Et là, on était en train de lire ensemble la parole de un des imams parmi les imams des salafs, Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, rahimahullah, qui a parlé de ça. Donc, on va continuer donc la lecture de cette explication. Là où on est arrivé la dernière fois, le cheikh il disait « Amma l'athar al-marwiya bil-kufri » بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه وإنما وجوهها أما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه وإنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في النوعين الأولين. Donc, le cheikh, il commence par le fait de dire que, en ce qui concerne les narrations qui ont été transmises au sujet de la mention du kufr et du shirk, au sujet de certains péchés qui sont faits, leur signification, selon nous, c'est que ça ne signifie pas que les gens qui commettent ce genre de péché-là ont un kufr ou un shirk qui enlève complètement la foi de celui qui l'a commis. C'est uniquement dans le sens que ces actions sont des actions ou des comportements des koufars et des mouchriquins, et non pas que ça fait nécessairement sortir de l'islam ou que c'est quelque chose qui est un kufr majeur ou un shirk majeur. Et le cheikh il explique qu'il a trouvé, il dit j'ai trouvé pour ces deux catégories de preuves dans le Coran et dans la Sunna des un nombre semblable à ce que j'ai trouvé pour les deux premières catégories ou les deux premiers exemples que j'ai mentionnés, c'est-à-dire les exemples qu'il a mentionnés qu'on a lus à la fin du dernier cours la semaine passée. Ensuite, il donne donc des exemples de preuves par rapport à ces catégories-là, par rapport aux narrations qui mentionnent que certains péchés sont appelés kufr et d'autres sont appelés shirk aussi, sans que ça fasse nécessairement sortir de l'islam. Et il donne comme exemple le cas suivant. Il dit « Amma al-furqan al-shahid alayhi min al-tanzili fa qawlu Allah jalla wa azza ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة وقال عطاء بن أبي رباح كفر دون كفر فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خلطه ذنوب فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله ألا تسمع قوله أفحكم الجاهلية يبغون تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية وإنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في أمور الجاهلية ومثله الحديث الذي يروى في سنن الجاهلية وكذلك الحديث في خصال المنافقين ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده مؤد لفرائضه ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم نعم donc le cheikh il explique ensuite qu'il dit parmi les textes qui témoignent de cette distinction entre qu'est-ce qui est kufr majeur et kufr mineur ou shirk majeur et shirk mineur et qui montre que certains péchés qui sont nommés kufr et shirk ne font pas partie de ce qui fait sortir de l'islam. Il y a le verset suivant dans la parole d'Allah, le verset 44 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quiconque ne juge pas, ou celui qui ne juge pas selon ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les kafirun, ceux-là sont les mécréants. » L'imam, le sahabi, al-mufassir, al-jalil, hein, l'imam Turjuman al-Qur'an, Abdullah ibn Abbas, le plus grand savant de tafsir de la Ummah, il a dit à propos de ce verset, ce n'est pas le kufr qui fait sortir de la religion. Et Atta ibn Abi Rabah, un autre parmi les salafs, parmi les tabi'in, c'est un sahabi, Allahu A'lam, Atta ibn Abi Rabah, j'ai oublié, il disait que cette parole signifie un kufr qui est moindre que le kufr qui fait sortir de l'islam. Donc ce n'est pas le kufr majeur, c'est le kufr mineur. Quand on dit kufr duna, kufr ça veut dire un kufr mineur. Hein? Parce que dun ça veut dire quelque chose qui est en dessous. Donc c'est comme si un kufr en dessous du kufr. Hein? Un kufr qui est sous le kufr majeur. Ça veut dire que c'est un kufr, mais il ne fait pas sortir de l'islam. C'est ça que ça veut dire quand on dit kufr duna kufrin. Hein, un coffre qui est en dessous d'un autre coffre qui est moindre que le coffre. C'est ça que ça veut dire. Donc, le cheikh, il explique donc, en se basant sur les paroles de ces deux parmi les salafs, parmi les sahaba et les tabi'in, que ce verset-là ne signifie pas que celui qui juge par autre que la loi d'Allah, hein, qu'il est automatiquement mécréant ou nécessairement mécréant. Hein? Et le cheikh, il explique ça. Il dit ensuite, et on peut comprendre clairement que, donc, le fait que quelqu'un juge par autre que ce que Allah a révélé, que ce n'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam, que sa religion, elle reste toujours, même s'il y a certains péchés qui sont mélangés à sa religion. Et donc, la seule signification de ça, c'est que le fait de juger par autre que la loi d'Allah, c'est quelque chose qui ressemble à la voix des koufars. Hein, et que c'est comme si quelqu'un agit comme les koufars. Et la même chose pour ce que j'ai dit à propos du shirk, hein, et du terme shirk qui est employé dans certains versets pour qualifier certains péchés. Parce que le fait de juger par autre que ce que Allah a révélé fait partie des exemples ou des agissements des koufars. N'avez-vous pas entendu le verset 50 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ, c'est-à-dire, est-ce le jugement de la jahiliya qu'il cherche? Et l'explication de ce verset, selon les savants de tafsir, c'est que celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé, alors qu'il est sur l'islam, qu'il est dans la religion de l'islam, yani à cause de ce jugement-là qu'il a fait, qui n'est pas selon la charia, il devient comme les gens de la jahiliya, c'est-à-dire qu'il ressemble à ces gens-là. Il agit comme eux. وَهُوَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَةِ كَذَلِكَ كَانُوا يَحْكُمُونَ, c'est-à-dire que les gens de la jahiliya, c'est ainsi qu'ils jugeaient. Ils ne jugeaient pas selon la loi d'Allah, ils jugeaient selon leurs coutumes ou leurs traditions ou des lois qu'ils ont inventées eux-mêmes, ou bien selon leur passion ou qu'est-ce que leur chef décidait ou des choses de ce genre, sans se référer à une révélation d'Allah. Donc celui qui agit comme ça alors qu'il est musulman, il a agi comme des koufars, mais ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement kafir, hein, ou qu'il est sorti de l'islam. Et les savants à ce sujet-là, justement, juste pour rajouter un petit peu de clarification, les savants, ils ont catégorisé les différentes formes de jugement par autre que la loi d'Allah, quand est-ce que ça devient un kufr majeur, quand est-ce que c'est un kufr mineur. Et parmi les exemples qu'ils mentionnent pour expliquer que quand est-ce que ça devient un kufr majeur, c'est lorsque quelqu'un élève une loi inventée par l'homme et qu'il la place par-dessus la loi d'Allah. Dans ce cas-là, c'est un kufr majeur qui fait sortir de l'islam, parce qu'il a élevé une parole autre que la parole d'Allah au-dessus de la parole d'Allah. Donc ça, c'est une forme de kufr majeur. Le deuxième exemple qu'il mentionne, c'est lorsque quelqu'un il n'élève pas la parole une loi qui a été inventée par l'homme, il n'élève pas au-dessus de la loi d'Allah, mais il la place à égalité. Hein? Donc il dit soit que tu peux juger par la loi d'Allah ou par la loi des hommes, et il pense que c'est équivalent ou que les deux sont au même degré. Et dans ce cas-là aussi, c'est une forme de kufr majeur, parce que ça veut dire que quelqu'un met une créature à égalité avec le créateur, et donc dans ce cas-là, c'est une forme de kufr majeur aussi, parce qu'il n'y a personne qui égale Allah subhanahu wa ta'ala dans ses jugements ou dans ses verdicts ou dans ses lois, et dans sa sagesse, et dans sa science, et dans sa toute-puissance, et ainsi de suite. Et un autre exemple ensuite qu'il mentionne, c'est celui qui ne place pas nécessairement une loi faite par l'homme, ou la parole de quelqu'un, il la place pas nécessairement au-dessus de la loi d'Allah, ou bien il ne la met pas non plus à égalité avec la loi d'Allah, sauf qu'il pense ou il croit que c'est quelque chose qui est permis, que juger par autre que la loi d'Allah, c'est halal, c'est permis, on a le droit. Hein? Comme les laïcs, par exemple, ceux qui pensent que de juger par les lois humaines, de faire des lois soi-même qui sont contraires à la loi d'Allah ou qui sont en opposition avec la loi d'Allah, il pense que c'est permis et il rend ça halal. Donc celui qui dit on a le droit de faire ça, ça aussi c'est une forme de kufr majeur, parce qu'il rend halal ce qui est haram. Il rend halal ce qui est haram. Et ça c'est kufr, c'est une forme de kufr majeur. Donc ça c'est un exemple. Et les exemples qu'il mentionne lorsqu'il parle d'un kufr asrar, comme qu'est-ce qu'on est en train de donner comme exemple dans les paroles de l'imam Al-Qasim ibn Salam ici, c'est l'exemple de quelqu'un qui juge par autre que la loi d'Allah dans les faits, il applique dans son jugement un jugement qui est contraire à la loi d'Allah, mais qui le fait seulement par rapport à sa passion, il est pris par rapport à sa passion à vouloir désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour de l'argent ou bien pour un autre désir parmi les choses de la dunya. Donc dans des choses comme ça, c'est considéré comme une forme de kufr asrar, une forme de kufr mineur. Et les savants ont donné plein d'exemples de ça dans différents de leurs livres et ils ont clarifié ces principes-là et ces points-là. Et un autre point que j'aimerais rajouter justement par rapport à la question de juger par autre que la loi d'Allah, c'est que certaines personnes, lorsqu'ils parlent de juger par la loi d'Allah, ils s'imaginent que ça c'est quelque chose qui se limite au gouvernement dans les pays musulmans ou bien aux juges dans les tribunaux. Et qu'ils pensent que ça ne s'applique pas sur le plan individuel, dans la vie de chaque personne, comment il juge dans ses affaires personnelles, ou dans son commerce, ou dans son institution, ou l'endroit où il travaille, ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est important de comprendre que le fait de juger par autre que la loi d'Allah, c'est quelque chose qui peut se produire à tous les plans, et que les hizbiyyin ont utilisé la question de qu'est-ce qu'ils appelaient al-hakimiyya, qui est une bid'a qu'ils ont inventée, de diviser le tawhid en quatre, pour justement se concentrer sur les questions politiques et faire le takfir des dirigeants, comme on le retrouve cette division chez les takfiriyyin, parmi les ikhwan, et parmi les Qutbiyyin et les Sururiya, qui ont inventé cette quatrième catégorie justement pour ça. Donc, eux, ils font le takfir juste par rapport aux questions gouvernementales, aux choses qui ont rapport avec les tribunaux ou les peines islamiques et des choses de ce genre. Et ils laissent de côté complètement les questions qui ont rapport avec la Aqida, par exemple. Donc, ils ne jugent pas par ce que Allah a révélé dans les questions qui ont rapport avec le tawhid, dans les questions qui ont rapport avec le manhaj. Donc quand c'est les questions de ces choses-là, ils ne jugent pas selon la charia, ils jugent selon leurs intérêts personnels, leurs intérêts politiques, leurs intérêts économiques, et ils laissent ça de côté. Donc qu'est-ce qui est plus important dans la religion que la aqidah? Il n'y a rien de plus important dans la religion que la aqidah. Et donc, si, par exemple, lorsque c'est le temps de parler d'aqida, tu refuses de juger selon la charia, et que lorsque tu vois des gens qui adorent les tombes, ou qui font des bid'a, qui fêtent le maulid al-nabawi, qui suivent des turq soufiyah, qui suivent des différentes bid'a dans la foi ou dans d'autres domaines de la aqida, dans les noms et les attributs d'Allah, comme les asha'ira, ou les ahbash, ou d'autres, ou bien dans les questions de manhaj, c'est-à-dire des gens qui inventent des groupes et des partis, qui rentrent dans la démocratie ou dans la politique, qui font toutes sortes d'autres choses de ce genre, ou d'autres qui font des bid'a ou qui agissent en opposition avec la charia dans les questions qui sont reliées au djihad, et qui inventent des formes de djihad qui sont contraires à la charia. Ils ne jugent pas par la charia dans ces questions-là. Pourquoi ils refusent de juger par la charia dans ces questions-là? Alors que Allah nous ordonne de juger dans toutes nos divergences selon le Coran et la Sunna, et de ramener toutes nos divergences à Allah et à son messager. Donc la charia, c'est pas seulement juger dans les questions de peine, quelqu'un a volé, on lui coupe la main, ou quelqu'un a fait la fornication, on va lui donner des coups de fouet, ou bien quelqu'un a fait l'adultère, il va être lapidé. On juge selon la charia dans ces questions-là, puis on yani on oublie le reste des questions qui sont encore plus fondamentales dans l'islam, puisque ce sont des questions qui sont reliées avec le cœur même de la foi et de la connaissance et de la croyance islamique. Donc ça, c'est l'attitude des Hizbiyin, et c'est un exemple de leur contradiction et de leur hypocrisie aussi. Et nous, on veut faire comprendre que de juger selon la loi d'Allah, eh bien, ça comprend tous ces aspects-là et toutes ces questions-là. Hein? Donc, ceux qui refusent de critiquer les groupes, ceux qui refusent de critiquer les individus qui appellent à des bid'a ou qui contredisent le manhaj des salaf et qui, par la suite, prétendent appeler à la charia ou vouloir établir la charia dans les pays musulmans, ça, c'est des gens qui ont utilisé la charia juste pour... Ils utilisent seulement le nom, hein, le mot charia pour essayer de montrer comme étant des gens qui veulent l'islam, mais la réalité c'est qu'ils n'ont rien à faire de la charia et ils ne veulent rien savoir réellement de la charia, ils veulent juste le pouvoir politique. Donc il ne faut pas se laisser tromper et berner par ces gens-là. Ensuite, pour revenir au reste de qu'est-ce que le cheikh a expliqué, il dit que qu'est-ce qu'on a dit à propos de ce verset-là, Al-Hukm bighayri ma anzal Allah, eh bien c'est la même chose par rapport au hadith qui parle aussi de l'utilisation d'autres termes que le shirk ou kufr dans les versets ou dans les hadiths, comme le terme jahiliya. Certaines actions ou certains péchés sont mentionnés comme faisant partie des actions de la jahiliya. Ça c'est la même chose lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, ou bien les hadiths qui parlent des sunan al-jahiliya, c'est la même chose, ou des caractéristiques des hypocrites, c'est la même chose aussi. Donc le cheikh, il dit que l'imam al-Qasim ibn Sallam, il dit donc que les significations de ces différentes narrations-là, à propos des différents péchés, ils ne veulent pas dire que la personne qui fait ces péchés-là devient un jahili, ou bien qu'il est ignorant, ou bien qu'il est kafir, ou bien qu'il est hypocrite, munafiq. Non, c'est un croyant qui croit en Allah, il a de la foi, il établit les obligations de la religion, mais il a fait des actions, on voit que ça clarifie qu'il a fait des actions, parmi les actions des kuffars qui sont interdites en islam. Hein? Comme par exemple le hadith que Cheikh Al-Albani il a mentionné cet exemple-là une fois, un hadith qui dit من أتى امرأته في دبورها فقد كفر. Celui qui a des rapports sexuels avec sa femme, comme par exemple qui sodomise sa femme, eh bien, il a mécru. Ça ne veut pas dire que la personne qui fait ça, il sort de l'islam. Ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam, mais ça fait partie des grands péchés, des kaba'ir, et c'est l'attitude des koufars, c'est les koufars qui font ça, hein. Et donc c'est quelque chose qui est appelé koufre sans que ça soit nécessairement quelque chose qui fasse quelqu'un devenir mécréant ou qui va le faire rester en enfer pour l'éternité, d'accord. Donc c'est des exemples comme ça. Donc c'est pour dire que c'est des actions des koufars, que c'est interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ces exemples-là dans le Coran et dans la Sunna. Il révèle ça à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa Sunna pour protéger les musulmans, pour faire en sorte qu'ils évitent de ressembler à quoi que ce soit des actions, des koufas dans leurs actions, dans leur comportement et dans leur dans leur jugement et dans leur législation. Donc ça, c'est la fin de la parole de l'imam al-Qasim ibn Sallam Abu Ubaid dans son livre Kitab al-Iman wa ma'alimihi wa sunanihi wa istikmal darajatihi, qui est un petit livre très très mince, très fin, mais qui explique très très bien les fondements de Ahl Sunnah al-Jama'a au sujet de la foi et qui réfute en même temps les Khawarij et les Murji'a dans les questions de Iman. الشيخ ensuite il dit فالمراد في هذه الأحاديث وأمثالها أن فاعل هذه الأمور قد عدم قال أن فالمراد في هذه الأحاديث وأمثالها أن فاعل هذه الأمور قد عدم الإيمان الذي يستحق به النجاة من العذاب ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته، وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا. وليس فيها أن فاعل هذه الأمور عدم الإيمان أو عدم الإيمان الذي يستحق به أن لا يخلد في النار، وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة، وبه يستحق المناكحة والمورثة. نعم. Donc ça c'est cité de, c'est paraphrasé des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa. Il dit donc que la signification de tous ces hadiths et des hadiths de ces hadiths qui sont semblables à ces hadiths là, c'est que la personne qui commet ces actions là, c'est comme s'il a perdu la foi par laquelle il mérite d'être sauvé du châtiment et par laquelle il mérite de faire en sorte que ses péchés soient expiés ou effacés ou pardonnés, ou, et par laquelle il va voir ses actions être acceptées et par laquelle il méritera d'être honoré et récompensé par Allah, et par laquelle il mérite d'être glorifié et agréé. Mais ça, c'est ce que les hadiths signifient. Ça signifie que la personne qui a commis ces péchés-là, il ne mérite plus ces promesses-là. Mais en même temps, le cheikh, il dit, mais ça ne veut pas dire que la personne, elle a complètement perdu la foi au point qu'il ne mérite plus d'être sorti de l'enfer, ou bien de ne pas rentrer, de ne pas rester éternellement en enfer, ou bien d'obtenir l'intercession et le pardon, ou bien de mériter de pouvoir être, de se marier et d'hériter des musulmans. Donc c'est pour dire ça en fait, qu'il commet ces péchés-là, donc sa foi baisse, et en ayant cette baisse de foi, il perd ses promesses, et il est sous la menace. Il perd les promesses qui sont données aux croyants, sans les perdre complètement, mais c'est-à-dire que maintenant il ne mérite plus ces promesses-là directement, et il perd... donc il devient sous la menace du châtiment en même temps, mais par contre ça ne veut pas dire qu'il méritera l'enfer pour l'éternité, ou qu'il ne sera pas parmi ceux qui méritent l'intercession ou le pardon d'Allah, ou qu'il ne peut plus se marier avec une musulmane, ou bien avec une femme avec un musulman, ou bien hériter d'un musulman. Donc c'est pour faire comprendre qu'il est un croyant, il est un musulman, sauf qu'il est un pécheur en même temps. Donc, il n'a pas le même degré que le croyant complet et parfait. C'est ça la signification. Il y a plein d'autres citations, vous allez voir, ça clarifie qu'est-ce qu'on vient juste d'expliquer maintenant. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, le Cheikh, il dit, قال Ibn Taymiyyah, rahimahullah, من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان ويكون من المعرضين للوعيد يكون من أنا من المعرضين للوعيد الذين من المستحقين للوعد المطلق ليس من المستحقين للوعد المطلق. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا كله من هذا الباب لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرمه الله ورسوله فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الإثم لأجله فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعيد. انتهى كلامه رحمه الله. Donc il mentionne une autre parole de Ibn Taymiyyah ici qui clarifie donc qu'est-ce qu'on a dit. Il explique que celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, il n'a pas la foi qui a été ordonnée par Allah. Il n'a pas la foi complète. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a nié sa foi, la foi d'une. C'est-à-dire, quand il mentionne que la foi de quelqu'un est niée, c'est uniquement pour montrer que sa foi elle est défaillante, qu'elle est moindre que ce que Allah a ordonné que la foi soit dans le Coran et dans la Sunna. Donc, il fait partie de ceux qui sont sous la menace du châtiment. وليس من المستحقين للوعد المطلق. Et il ne fait pas partie de ceux qui ont la promesse complète et absolue de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que c'est la même chose pour le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que celui qui nous triche ou qui nous trompe, il n'est pas des nôtres. Ou celui qui porte les armes contre nous, il n'est pas des nôtres. Tout ça, ça fait partie de cette catégorie de ce qu'on a mentionné. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit uniquement à propos de celui qui a délaissé ce que Allah lui a rendu obligatoire, ou qui a fait ce que Allah et son messager ont interdit. Et en agissant ici, en faisant ça, il a délaissé la foi qui a été rendue obligatoire pour lui. C'est-à-dire, il a délaissé le niveau obligatoire de la foi. Et c'est pour ça que il ne sera plus parmi les croyants. À partir de ce moment-là, il ne sera plus parmi les croyants qui méritent la promesse et qui sont exempts de la menace. Donc, c'est comme pour dire que celui qui fait tout ce que Allah lui ordonne et qui a une foi qui correspond à ce que Allah a ordonné, lui, il est parmi ceux qui méritent la promesse et qui fait partie de ceux qui sont exemptés de la menace, parce que il a fait tout ce qu'Allah ordonne et il s'est écarté de tout ce qu'Allah lui interdit dans sa foi. Donc sa foi elle est complète. Mais si il descend ou si il baisse par rapport à ce niveau-là et qu'il commet des péchés ou qu'il ne fait pas ce qui lui est ordonné, eh bien, il descend de ce niveau-là à un niveau inférieur, sans toutefois nécessairement quitter complètement la foi. Mais quand il descend de ce niveau-là, quand il descend à ce niveau qui est plus bas, eh bien, il perd cette protection par rapport à d'être exempté de la menace, et en même temps, il rentre dans la catégorie de ceux qui, n'ont pas aussi la promesse complète. Qui mérite la promesse complète, parce qu'il n'a pas rempli les conditions nécessaires pour mériter cette promesse complète et pour être exempté complètement de la menace. Donc il a une part de la menace et il a une part de la menace et il perd une part de la promesse, mais il ne la perd pas complètement. Donc, c'est ça la signification. Ensuite, le Cheikh dit, « وقال رحمه الله كلهم متفقون على أن الفساق الذين » Ah oui, pour ceux qui veulent vérifier cette parole, c'est dans le Majmu' Fatawa, volume 7, à la page 41. Une autre citation maintenant de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, « قال رحمه الله كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من الإيمان » يخرجون به من النار هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين الذين إذا كان معهم بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح. انتهى كلامه. Donc شيخ الإسلام, il mentionne une autre parole de شيخ الإسلام ابن تيمية dans مجموع الفتاوى, le volume 7 à la page 257. Il dit que tous les savants sont d'accord que les pécheurs ne sont pas les pécheurs ne sont pas des munafiqin, ne sont pas des munafiqin. Les pécheurs ne sont pas des hypocrites, ne sont pas munafiqin. Ils ont de la foi par laquelle ils vont sortir de l'enfer. Et c'est ça la différence entre les pécheurs et les kuffars et les munafiqin. Mais la foi qu'ils ont avec eux, ne leur permet pas d'avoir le nom complet glorifié de mu'min. Donc ils ont d'un côté, ils sont mu'minin, mais ils ont des péchés, donc ils sont des fussaq, sont des pécheurs. Et donc ils n'ont pas la glorification complète d'être un mu'min. Donc ça c'est la fin de la citation en question, volume 7, page 257. Après, le cheikh Mazmoul il explique un peu plus et il mentionne, il dit وهذا مبني على أصل أن الإيمان يزيد وينقص وأنه قد يجتمع في العبد طاعة ومعصية وإيمان وكفر وحينئذ قد يجتمع في الإنسان وحينئذ قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق وقد يجتمع فيه بعض شعب الإيمان والشعبة وشعبة من شعب الكفر كما جاء في أحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Donc le cheikh ici il explique ce point-là, puis en même temps il paraphrase les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans Majmu' Fatawa, le volume 7 à la page 616. Donc il commence en disant ce qu'on vient de lire par rapport au fait que un croyant qui commet des péchés, c'est-à-dire qu'il est sous la menace, puis il perd la promesse de la récompense complète, c'est-à-dire il n'a plus la promesse complète qui est faite au mu'minin, il a seulement cette promesse-là, mais il l'a partiellement. Et ça, il dit, c'est basé sur un fondement de Ahl-Sunnah al-Jama'a, un fondement dans la religion, c'est que la foi dans l'islam, on croit que la foi, elle augmente et elle diminue. C'est pas quelque chose qui est statique ou qui est fixe. La foi, elle peut augmenter, elle peut diminuer. Et que il peut y avoir en la même personne de l'obéissance et de la désobéissance, de la foi et du kufr en même temps. Et donc, le cheikh, il dit, et donc, et là, c'est là qu'il paraphrase les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, c'est ainsi que peuvent être réunis en la même personne de la foi et de l'hypocrisie. Et il peut réunir en lui-même certaines branches de la foi et certaines branches parmi les branches du kufr. Comme ça a été mentionné dans de nombreux hadiths, et il cite ici un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, sur les caractéristiques de l'hypocrite. Selon Abdullah ibn Amr, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam a qal, et on l'a lu au dernier cours aussi, qu'il y a quatre catégories, que celui qui les possède, il sera un hypocrite. Et que celui qui en a une d'entre elles, il aura une des caractéristiques de l'hypocrite jusqu'à ce qu'il la délaisse, cette caractéristique-là. Et il mentionne les quatre caractéristiques. Iza tumina khan, c'est-à-dire si on lui fait un dépôt, on lui confie quelque chose, il manque à la confiance qu'on lui a faite, il ne garde pas le dépôt. Deuxième exemple, lorsqu'il parle, il ment, donc il n'est pas honnête, il ment. Iza ahada radar, s'il prend un engagement, il la trahit, s'il donne sa parole ou il fait un serment, il trahit sa parole, il trahit son serment. Ça c'est une caractéristique des munafiqis en passant, al-radar. Et ceux, par exemple, parmi les gens de Hizbiya ou les gens de Bid'a qui ne respectent pas leurs dirigeants ou se révoltent contre leurs dirigeants ou bien font du tort aux koufars, parmi les koufars qui sont il y en a sous une entente de paix avec les dirigeants qui les agressent ou des choses comme ça, ils font ce genre de trahison envers l'engagement qui a été pris de la part de leurs dirigeants, Donc, ils trahissent leur engagement en faisant ça. Et bien, ça, c'est des caractéristiques du munafiq. Donc, ces gens-là qui font ça, font les manifestations contre les dirigeants dans les rues ou qui appellent à agresser les koufars qui vivent dans les pays musulmans ou qui sont là-bas avec un visa ou qui font des attaques contre eux ou contre ceux qui ont agressé des ambassadeurs ou des choses comme ça. Ça rentre dans la catégorie de radar. Ça fait partie des caractéristiques des munafiqines d'agir comme ça. Hein? Eux, ils pensent qu'ils défendent l'islam, mais en fait, ils accumulent des péchés en agissant comme ça. وَإِذَا خَسَمَ فَجَرْ. Quand il débat avec quelqu'un ou il argumente avec quelqu'un, il utilise de la perversité. Il n'est pas poli. Il est impoli. Hein? Il est vulgaire. Ou bien il est injuste, c'est-à-dire il respecte pas les preuves et les règles. Il est arrogant. Ensuite, il dit, donc ça c'est la fin de cette citation. Après, il cite les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Il dit, قال ابن القيم رحمه الله أما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن كذا وكذا وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده. Donc ici il cite, c'est pas fini, il dit ensuite, وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ. أي نعم. Donc ça c'est tiré de Madarij al-Salikin, le volume 1, la page 339 à 344. Donc l'imam Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il dit? نعم. L'imam Ibn al-Qayyim, il dit ici que le shirk mineur, c'est comme lorsque quelqu'un a un peu d'ostentation, ou lorsqu'il agit pour se faire voir des gens, ou bien quelqu'un qui jure par autre que Allah. Quelqu'un qui jure par autre que Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est dans un hadith rapporté par Ahmad et Abu Daoud et At-Tirmidhi, il dit, celui qui jure par autre que Allah, alors il a fait le shirk, il a commis du shirk. Hein? Il a commis du shirk. Et une autre parole, lorsque quelqu'un dit à un autre, ce que Allah a voulu et toi, ce que Allah et toi ont voulu, ou bien ceci est d'Allah et de toi, ou bien lorsque quelqu'un dit, je suis comme c'est Ana billahi wa bik. Hein? Je demande par toi et par Allah. Ou par Allah et par toi. Ou bien je n'ai personne excepté Allah et toi. Hein? Ou bien je mets ma confiance sur Allah et sur toi. Ou bien si ce n'était pas de toi, je n'aurais pas fait ou eu telle ou telle chose. Le cheikh dit ça, c'est des formes de shirk mineur, lorsque quelqu'un parle comme ça. Parce que ça peut impliquer, de la part de cette personne-là, qu'il mettrait la personne au même niveau qu'Allah, ou à égalité avec Allah, parce qu'il utilise la conjonction et, et. Donc ça donne une impression qu'il y a une équivalence, ou une égalité, ou un même niveau entre les deux. Donc, à cause de cette implication-là, qui pourrait être c'est comme si c'est impliqué, donc ça devient une forme de shirk mineur. Et le cheikh, il dit, Ibn al-Qayyim, il dit que ça pourrait même parfois, selon la personne et selon son intention, devenir même un shirk majeur aussi. Ensuite, il dit, et ça a été également transmis de façon authentique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme est venu le voir et lui a dit ce qu'Allah a voulu et toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, veux-tu me mettre un égal avec Allah? Est-ce que tu veux me mettre à égalité avec Allah, faire de moi un égo avec Allah? Dis, à la place de ce que tu as dit, dis plutôt ce que Allah veut lui seul. Hein? Et ici, ça c'est la fin de la citation, et ici, en note de bas de page, justement, il y a une clarification de la part du Cheikh Bazmoul. Il mentionne وليس معنى هذا أن لا كفر إلا بالاعتقاد وإنما المراد أن هناك أنواعا من الأقوال والأعمال لا تكون كفرا مخرجا من الملة إلا بحسب القائل ومقصده فإن الكفر الأكبر قد يكون بالقول بمجرده كمن سب الله ورسوله أو استهزأ بالله وبرسوله أو بالدين وقد يكون بالفعل بمجرده كمن قتل النبي وهو يعلم ووطأ المصحف وهو يعلم وقد يكون بالاعتقاد أو بالشك. Donc le cheikh il explique, il dit que cela ne veut pas dire que quelqu'un ne sera pas mécréant excepté par rapport à sa aqida ou par rapport à sa croyance. C'est-à-dire que la mécréance, quelqu'un qui devient mécréant, ce n'est pas seulement par rapport à ce qu'il a dans son cœur. Mais qu'est-ce que ça signifie plutôt? C'est qu'il y a des catégories de kufr qui sont reliées aux paroles. Il y en a parmi les formes de kufr qui sont par la parole. Et il y a des formes de kufr aussi qui sont parmi les actions, hein, mais qui ne font pas sortir nécessairement de la religion. Il y a des formes de kufr par la parole, il y a des formes de kufr par les actions qui ne font pas nécessairement sortir de la religion de l'islam, mais que ça dépend de l'intention de la personne. Donc il y a des cas comme ça. Mais sinon, il y a aussi des formes de kufr majeures, akbar, qui peuvent être uniquement par la parole et uniquement par l'action aussi. Ça veut dire que même si la personne n'a pas de croyance dans son cœur, mais qu'elle fait ces actions-là, ou elle dit cette parole-là, que c'est une forme de kufr majeur en soi. Comme par exemple, parce que là on a donné d'autres exemples, là maintenant il donne l'exemple d'un cas spécifique, d'une action ou d'une parole, que quelqu'un fait ou dit, hein, qui par lui-même fait sortir de l'islam complètement. Exemple de ça, quelqu'un qui insulte Allah et son messager, ou qui se moque, hein, d'Allah et de son messager ou de la religion. Donc, yani, celui qui se moque de la religion ou de son prophète ou de l'islam, ou qui insulte Allah et son messager, ça c'est une forme de kufr par la parole. Et c'est pas nécessaire de demander à la personne ou de penser est-ce que tu crois à ça dans ton cœur ou non. Du moment que la personne du moment que la personne insulte Allah et son messager, en soi c'est déjà kufr akbar, hein, c'est une forme de kufr majeur, ou si elle se moque, hein. Et ça peut être aussi par l'action seulement, comme par exemple lorsque quelqu'un tue un prophète. Aujourd'hui c'est pas possible de tuer un prophète, puisque le dernier des prophètes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si, supposons qu'à l'époque, hein, des prophètes, quelqu'un tuait un prophète, alors qu'il savait que c'était un prophète, ça c'est un acte de kufr. Et celui qui piétine un mushaf, par exemple, alors qu'il sait que c'est un mushaf, hein, ça aussi c'est un acte de kufr. Parce que c'est pas la même chose si la personne ne savait pas que c'était un mushaf. Yani, c'est une chose, mais si la personne était au courant, elle savait que c'était un mushaf, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il met son pied dessus ou le piétine, ça c'est un acte de kufr en soi. Et aussi, il y a d'autres catégories de kufr qui sont par la croyance ou par le doute. Donc, c'est ça que les ulama ont expliqué. Qu'il y a des formes de kufr par la parole, il y a des formes de kufr par les actions, il y a des formes de kufr qui sont par la parole, l'action, par le cœur, dans la croyance, et par le doute. Donc, ça, c'est les quatre catégories. Hein? Donc, c'est ça. Et par contre, il y a des actions et il y a des paroles que si quelqu'un les dit ou les fait, ça ne va pas nécessairement automatiquement, on ne va pas dire automatiquement que ce sont des gens qui ont sorti de l'islam. Il y a des règles et des conditions qui s'appliquent. Et donc, il faut distinguer entre les cas. Hein? Et c'est pour ça que c'est les ulama qui savent ces choses-là, parce que c'est eux qui ont la connaissance de la charia et de la compréhension. C'est pour ça que les ulama nous disent qu'il faut retourner aux ulama, que c'est pas le takfir. Le takfir, c'est pas n'importe qui a le droit de le faire. Parce que c'est pas tout le monde qui est justement capable de distinguer entre ces catégories-là et savoir quand est-ce que tel cas s'applique et l'autre ne s'applique pas. Donc quelqu'un qui connaît pas, il va penser que tous les cas sont pareils. Il va penser que tous les exemples sont pareils, alors que non. Hein? Donc c'est très dangereux de s'avancer dans cette chose-là sans connaissance. Et ensuite, le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وما أطلق الشارع كفره بالذنوب فقول الجمهور أنه لا يخرج من الملة وقال أحمد أمروها كما جاءت يعني لا يقال يخرج ولا يقال لا يخرج وما سوى هذين القولين غير صحيح انتهى كلامه رحمه الله. Donc, ici, c'est une citation de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab tirée de Al-Fatawa wal-Masa'il, parmi les livres du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il dit dans ce livre, rahimahullah, que ce que le sharia, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur, a déclaré comme étant kufr, par rapport aux péchés, comme les péchés qui ont été déclarés comme étant kufr, la parole de la majorité des savants, c'est que ça ne fait pas sortir de la religion. Et il dit, l'imam Ahmed, lui, il a dit que s'il y a des versets ou des hadiths qui mentionnent, qu'un péché est kufr, dans ce cas-là, il ne faut pas dire si ça fait sortir de l'islam ou si ça ne fait pas sortir de l'islam. Il faut le laisser tel quel. Amirruha kama ja'at. Laissez-le tel quel. Hein? Et la raison pourquoi l'imam Ahmed dit ce genre de choses, c'est parce que c'est pour en fait que on commence pas à détailler pour pas que les gens commencent à prendre ces versets ou ces hadiths là à la légère, parce que si certaines personnes, quand des fois on leur explique les détails de ces principes là ils commencent à prendre ça à la légère, disent, ah bon, si c'est pas kufr majeur, dans ce cas là c'est pas grave, je vais le faire. Hein? Ou si ça ne fait pas sortir de l'islam, ils disent, ah, si ça ne fait pas sortir de l'islam, dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Hein? Alors que non, ça ne veut pas dire que quelque chose n'est pas kufr majeur, ou que ça ne fait pas sortir de l'islam, ça ne veut pas dire que ça y est, tu as le droit de le faire, donc tu vas commencer à te permettre de le faire. Donc, pour éviter ce genre d'attitude ou de comportement, certains imams, comme l'imam Ahmed, a dit, il ne faut pas détailler, il ne faut pas dire est-ce que ça fait sortir ou non, mais le laisser tel quel. Donc, ensuite, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit, en ce qui concerne donc ces deux explications-là, il dit, ça c'est les deux qui sont corrects, hein, ces deux positions-là, que ça ne fait pas sortir de l'islam, ça c'est la première, c'est la majorité des savants qui ont dit que les péchés qui sont appelés kufr, ils ne font pas sortir de l'islam. Et la deuxième parole, c'est la parole de l'imam Ahmed qui dit qu'il ne faut pas détailler, il ne faut pas dire si ça fait sortir ou non. Il faut le laisser comme ça. Et il dit, en dehors de ces deux explications-là, le reste, ce n'est pas authentique ou ce n'est pas vrai, ce n'est pas correct. Ça, c'est la fin de cette citation. Ensuite, le cheikh dit, « Wayam bani ala hadha taqrir umur ». Donc là, il va mentionner des points par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début. Hein? Et les points sont de, attendez, 1, 2, 3, 4. Donc, il mentionne quatre points maintenant pour résumer tout ce qu'on a vu depuis, depuis le dernier cours par rapport à ce deuxième principe, hein, du fait de distinguer entre qu'est-ce qui est kufr majeur et kufr mineur. il dit « ومنها أن من فعل هذه الأفعال من المسلمين لا يستحق اسم الإيمان المطلق وإنما يقال عنه مسلم فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق. » Donc le premier point, c'est que celui qui fait des, ces actions-là, qui ont été nommées kufr ou shirk ou nifaq ou jahiliya dans les textes, que cette personne-là, il, ce sont des actions qu'il a, des actions qu'il, ces actions-là qui ont été nommées de cette façon-là. Celui qui les fait parmi les musulmans, il ne mérite plus le nom absolu de la foi. Par contre, on va dire de lui qu'il est un musulman pécheur ou un croyant avec la foi qui est diminuée ou un croyant qui est pécheur. Hein? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ومنها أن الرجل قد يجتمع في قلبه إيمان وكفر ويراد بالكفر مشابهة أفعال الكافرين ونقص إيمانه ولا حبوط الإيمان وزواله. Donc, le deuxième point, c'est que un homme peut réunir en son cœur la, la foi et la mécréance en même temps, la foi et le kufr ensemble. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici par le kufr? C'est le fait de ressembler dans nos actions, aux actions, de faire en sorte que nos actions ressemblent aux actions des kuffars, c'est ça. Et donc, la diminution de la foi, et non pas l'annulation ou l'annulation ou la perte totale de la foi. D'accord? Donc, quelqu'un peut avoir dans son cœur de la foi et du kufr, de la foi et de la mécréance. Mais on ne veut pas dire ici la mécréance elle-même, mais la ressemblance aux actions des mécréants. Et donc, la diminution de la foi, et non pas l'annulation totale de la foi ou la perte totale de la foi au complet. Le point numéro 3, منها أن الكفر والشرك والنفاق في نصوص الشرع قد يأتي بمعنى الكفر والشرك والنفاق الذي يخرج من الملة وقد يأتي بمعنى الكفر والشرك الذي لا يخرج فاعله من الملة. Donc le troisième point, c'est que le kufr et le shirk et l'hypocrisie, le nifaq, dans les textes de la charia, ça peut être mentionné dans le sens du kufr et du shirk ou du nifaq qui font sortir de la religion, et ça peut être mentionné dans le sens du kufr, du shirk qui ne fait pas sortir celui qui l'a fait de la religion. Donc ça dépend des cas parfois. Hein? Le point numéro 4, ومنها أن إطلاق هذه الأسماء على الفعل إذا أتاه المسلم لا يراد به إخراجه من الملة إذا لم يستحله وإنما المراد به أنه قد شابه في فعله هذا الكفار وفي فعله هذا الكفار والمشركين وأنه قد نافى بملابسته لهذه الأفعال كمال الإيمان الواجب وحقيقته وإخلاصه. Donc le quatrième point, c'est que il dit que le fait d'appliquer ou d'utiliser ces termes comme kufr ou shirk ou nifaq et de mentionner ces noms-là et d'appeler ou de nommer certaines actions par ces noms-là, lorsque le musulman le fait, ça ne veut pas dire qu'il sort de la religion tant qu'il ne le rend pas halal. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire seulement? Ça veut dire que la personne qui commet ces péchés-là, eh bien, il a ressemblé dans ses actions aux kuffars et aux mushrikins. Et qu'en faisant donc ces actions-là, eh bien, c'est comme si il n'avait plus maintenant la foi parfaite et complète ou la réalité et la pureté de la foi telle qu'elle doit être. C'est ça la signification. Ensuite, on passe au troisième principe parmi les principes que le cheikh il mentionne. Et pour vous dire juste, pour vous rappeler combien en tout il y a de points ou de principes que le cheikh il a mentionné, c'est il y en a en tout 12. Il y en a 12. Donc là, on est rendu au troisième. الضابط الثالث. الضابط الثالث أن من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بكفره إلا بيقين. وهذا مبني على قاعدة شرعية مقررة في قواعد الفقه الإسلامي الكبرى وهي اليقين لا يزول بالشك وبناء على هذا الضابط جاء الذي يلي. Donc le cheikh explique que le point numéro 3 c'est le suivant, c'est-à-dire que celui dont son islam a été confirmé avec certitude, eh bien il n'est pas permis de juger de sa mécréance excepté par une certitude. Celui dont on a confirmé son islam avec certitude, il n'est pas permis de juger de sa mécréance excepté par une certitude. Et ça, c'est basé sur une règle de la charia qui a été confirmée dans les règles dans les grandes règles du fiqh islamique. Et cette règle-là, c'est al-yaqinu la yazulu bishak, c'est-à-dire que la certitude ne peut être enlevée par un doute. La certitude ne peut être enlevée par un doute. Ça, c'est confirmé par plein de preuves dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un des principes généraux de la religion. Et donc, si quelqu'un, on est certain qu'il est musulman, ou qu'il a été musulman à un moment donné, eh bien, on ne peut pas dire de lui qu'il a quitté l'islam, excepté par une certitude. Ça ne peut pas être basé sur une supposition ou un doute. Il faut que si on dit qu'il a quitté l'islam, ou qu'il a... Hein, qu'il n'est plus musulman, il faut que ce soit basé sur quelque chose qui est certain 100%. Il ne faut pas qu'il y ait de doute là-dedans. Parce que on est certain qu'il est musulman. Et ça, c'est un principe de l'islam. Et en se basant sur ce principe-là, donc, on établit ce principe qui est le principe numéro 3. Et on explique le prochain principe aussi. C'est-à-dire le principe numéro 4 qui est يفرق بين تكفير النوع وتكفير المعين, c'est-à-dire qu'il faut distinguer entre le fait de faire le takfir en mentionnant le takfir comme étant une catégorie par rapport à une sorte une sorte d'action ou de chose, et c'est-à-dire de faire le takfir de façon générale, et le faire le takfir d'un individu spécifique, hein, d'un individu particulier, en particulier. Ça, c'est deux choses différentes. Comme par exemple, pour vous faire comprendre un peu plus clairement qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est de dire par exemple, celui qui rend halal le bois de l'alcool et les kafirs. Ça, c'est le takfir général. Parce que tu mentionnes une caractéristique ou une action, ou le fait de rendre halal quelque chose qui est haram, et tu relis le verdict du kufr à cette chose-là, sans nécessairement l'appliquer à un individu en particulier. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle takfir al-nawr, takfir al-nawr, ou bien takfir al-mutlaq, c'est-à-dire le takfir général par rapport à une action que quelqu'un peut faire. Et le takfir al-mu'ayyan, ça c'est autre chose, c'est de l'appliquer à un individu spécifique. Et donc, il faut distinguer entre les deux. Il y en a qui ne distinguent pas. Hein? Tu dis à quelqu'un, par exemple, tu parles avec quelqu'un, puis tu lui dis, Ya Ari, celui qui, par exemple, se moque de la religion, hein, ça c'est kufr. Donc ça c'est un verdict général. Puis lui, il dit, Akhi, est-ce que tu es en train de me dire que je suis kafir? Là, tu lui dis, Akhi, je te donne la règle générale. Je ne suis pas en train de l'appliquer sur toi ou de te dire que tu es kafir. Je suis en train de t'expliquer que celui dans l'islam, celui qui se moque de la religion, il quitte l'islam parce que c'est kufr. Hein? Mais je ne suis pas en train de dire ça à propos de quelqu'un en particulier. Hein? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important de distinguer par rapport à ça. Et donc, le cheikh, il l'explique. Il dit, « فَالْأَوَّلْ لَا يَشْتَرِطُ فِيهِ سِوَا ثُبُوتَ أَنَّ النُّعَ الْمَذْكُورُ كُفْرًا » Donc, il y a deux choses. Il y a le kufr de la catégorie, le kufr takfir général, fait de dire telle chose, ça c'est kufr. Et pour être capable d'établir cette partie-là, il faut avoir la preuve que telle action ou telle chose est réellement kufr. Et ça, il faut pour ça connaître les preuves de la charia qui établissent clairement que cette action-là ou cette parole ou cette croyance fait sortir quelqu'un de l'islam. Donc ça, c'est la première partie. Puis, « أما المعين فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة وثبوت شروط وانتفاء موانع » Donc, le cheikh dit, en ce qui concerne l'individu spécifique, on ne peut pas le déclarer kafir, excepté après avoir établi les preuves sur lui et après avoir confirmé que les conditions sont présentes et qu'on a éliminé tout empêchement. Et qu'on a éliminé tout empêchement d'appliquer le takfir sur cette personne. Et donc, le cheikh explique, il dit que Al-Maqsoud bil-Mu'ayyan, Al-Maqsoud bil-Mu'ayyan, Al-Muslim al-Ladhi, Urrifa bi'aynihi, أنه فلان ابن فلان والتكفير بالنوع كقول من قال من الأئمة من قال القرآن مخلوق فقد كفر فهذا من التكفير بالنوع فهذا من التكفير بالنوع والإمام أحمد قال ذلك ولم يكفر المأمون بعينه لأنه لم يتحقق لديه أنه قد قامت عليه الحجة وثبتت في حقه الشروط وانتفت الموانع. Donc le cheikh il explique, il dit qu'est-ce qu'on veut dire par l'individu en particulier. On parle d'un musulman qui a connu, qui est connu par lui-même. On sait qui il est, que c'est un tel fils d'un tel. Donc, on parle d'un individu qui est désigné spécifiquement. On l'a désigné par son nom et on sait exactement de qui on parle. C'est ça takfir al-mu'ayyan. Hein? En ce qui concerne le takfir bin-nour, par exemple, quand on parle du takfir général ou par rapport à une caractéristique ou par rapport à une catégorie, on donne un exemple comme la parole des imams lorsque les imams des salafs ont dit « Celui qui dit que le Coran est créé, il a mécru », ça c'est un exemple de takfir de façon générale. Quiconque dit que le Coran est créé, il est kafir. Il a mécru. Donc, l'imam Ahmed, rahimahullah, lorsqu'il y a eu la fitna de Khalq al-Qur'an, l'imam Ahmed a dit cette parole-là. L'imam Ahmed a dit, celui qui dit que le Qur'an est créé, il est kafir. Toutefois, l'imam Ahmed n'a pas déclaré le khalifa al-Ma'moun comme étant mécréant de façon spécifique. Hein? Il n'a pas déclaré le khalifa al-Ma'moun en tant que kafir. Il n'a pas dit al-Ma'moun, le khalifa al-Ma'moun est kafir. Il n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que pour lui, la vérification que la preuve a été établie contre lui n'a pas été vérifiée et il n'a pas non plus confirmé que les conditions ont été présentes en lui et qu'on a éliminé tous les empêchements pour pouvoir le déclarer kafir. Donc, on voit que l'imam Ahmad a dit la règle générale, hein, le takfir de façon générale, que celui qui dit que le Coran est créé, il est kafir, mais il ne l'a pas appliqué sur un individu spécifique en disant, par exemple, parce que Al-Ma'moun a dit plusieurs fois hein, que le Coran est créé, il l'a dit. Mais est-ce que l'imam Ahmed a appliqué la règle générale sur Al-Ma'moun? Non. Il n'a pas dit Al-Ma'moun a mécru ou est devenu kafir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la certitude, il n'a pas vérifié qu'on a établi la preuve contre lui. et il n'a pas vérifié que les conditions pour pouvoir faire son takfir et les empêchements, les choses qui empêchent qu'on puisse dire de lui qu'il est kafir, ont été éliminées. Donc, il n'a pas dit, il n'a pas fait le takfir de Al-Ma'moun. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Même Ibn Taymiyyah, par exemple, et d'autres, même parmi les salafs aussi, comme l'imam Ahmad, il disait aux gens de Bid'a, parmi les Mu'tazila, il dit, si moi je disais ce que vous vous dites, je serais kafir. Mais vous, je ne vous fais pas, je ne vous déclare pas kuffar parce que vous ne comprenez pas ce que vous dites. Vous dites des choses sans les comprendre. Alors, ils ne faisaient pas leur takfir. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre le takfir de la catégorie et le faire le, de déclarer un individu kafir. C'est pas comme on dit 1 plus 1 égale 2 automatiquement. Non, c'est pas comme ça. C'est pas aussi simple que ça. Il y a plein d'étapes et des règles et des conditions et des principes à vérifier avant de pouvoir arriver à la conclusion finale qu'un individu en particulier est devenu kafir. Hein? C'est pas aussi simple que ça. Cheikh al-Islam dit قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا لا يطلق. وكما دل على ذلك الدلائل الشرعية وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit dans Majmou' al-Fatawa, le volume 35 à la page 165, il dit que la base de cette parole, c'est que elle est kufr selon le Coran et selon la Sunna. Donc il parlait d'un sujet, puis il dit par la suite que à la base cette parole-là, c'est une parole qui est kufr selon le Coran, selon la Sunna et selon l'ijma. Donc il a établi la première partie que c'est kufr et il a mentionné que c'est prouvé que cette chose, la chose de laquelle il parle, que cette chose-là, si quelqu'un l'a dit ou l'a fait ou ainsi de suite, que ça c'est un kufr. Dans le Coran, c'est prouvé. Dans la Sunna et dans l'Ijma, dans le consensus des salafs aussi, c'est prouvé que c'est kufr. Mais on dit que c'est kufr, et ça c'est une parole générale. C'est une règle générale. Toutefois, mais ça ne veut pas dire qu'on peut l'appliquer. C'est ça que le cheikh ici, il mentionne cette parole pour montrer que la parole elle-même ou l'action elle-même, elle est kufr. Ça, c'est prouvé par les preuves de la charia, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de l'appliquer. C'est une parole générale, mais ça ne veut pas dire qu'on peut l'appliquer sur un individu. Qala rahimahullah, il mentionne une autre citation de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, le volume 28, de la page 500 à 501. Il dit, Qala rahimahullah, lil ulama'i qawlan mashhuran wa huma riwayatan an Ahmad. والقولان في الخوارج والمارقين من الحروري من الحرورية والرافضة ونحوهم والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا ولكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه فإن نطلق القول بنصوص الوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم المقتضي الذي لا معارض له. انتهى كلامه. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit dans ce passage ou dans cette citation que les ulama ont deux paroles ou deux positions très célèbres à ce sujet, que ce sont des citations il y en a deux narrations de l'imam Ahmad au sujet des Khawarij, Al-Mariqin et Al-Haruriya, et à propos des Rafida et d'autres, il dit que qu'est-ce qui est correct, c'est que ces paroles-là qu'ils disent, elles sont connues comme étant en contradiction avec ce que les paroles de ces groupes, de ces sectes, les gens qui disent les paroles de ces groupes et de ces sectes, parmi les Khawarij, Al-Haruriya et les Rafida, que ce sont des paroles qui sont kufr, parce qu'elles sont en opposition avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que leurs actions aussi, sont des actions qui sont en opposition avec l'islam, et elles font partie des actions des kuffars. Comment ils agissent avec les musulmans, c'est la même manière que les kuffars agissent, et ça c'est kufr aussi. Il dit, mais en ce qui concerne de faire le takfir d'un individu parmi eux, et de juger qu'il sera de façon spécifique en enfer pour l'éternité, ça se limite à l'application, à la vérification, à la confirmation que les conditions du takfir sont présentes et que les empêchements ont été éliminés ou enlevés. Et donc, on ne peut pas appliquer la parole ou le jugement ou le verdict général des textes de la menace du takfir et du tafsir, et on ne peut pas juger de ça par rapport à un individu spécifique en disant qu'il rentre dans ce sens général-là, jusqu'à ce qu'on ait vérifié que c'est ça qui est réellement impliqué et qu'il n'y a aucune opposition à ce verdict-là. Donc, on ne peut pas appliquer le verdict général sur un individu tant qu'on n'a pas vérifié qu'il n'y a pas de chose qui s'y oppose. Fin de la citation. Donc là, le prochain point, c'est le point numéro 5, et dans ce point-là, le cheikh, il va commencer à expliquer qu'est-ce que c'est justement, quelles sont justement les conditions pour faire le takfir, et quels sont les empêchements à éliminer. Ça, c'est, et quelles sont les preuves de chacune de ces différentes catégories mentionnées. On va lire ça au prochain cours, inshallah. Puis on va essayer de clarifier ça le plus possible. Et probablement que le prochain cours, on n'aura pas le temps de faire les 12, mais on va dire que peut-être que le prochain cours, ce sera le cours 3A, et on fera après le cours 3B. Comme ça, ça va permettre de rajouter les cours, ces cours-là, et de les faire suivre par la suite des cours qu'on avait fait sur Nawaqid al-Islam de Cheikh Al-Fawzan, inshallah. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à demain, inshallah.